Très, très bien. OK. On va Excellent. un, deux tests. On va parler de livres. On sait que c'est le lancement des livres. Beaucoup, beaucoup de livres cet automne. Et là, maintenant, on va parler avec Sylvain Guimond, une personne qu'on connaît bien. C'est un psychologue sportif qu'on entend à l'antichambre, qu'on voit également dans le sport également, dans les différentes tribunes sportives. Pour parler de son nouveau livre qui est aux éditions Le Monde Différent, c'est La puissance de nos différences. On lui parle avec lui. Bonjour, M. Guimond. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, La seule chose que je dois dire d'emblée, c'est que je suis pas psychologue, je suis docteur en psychologie du sport. OK, c'est quoi la Donc, différence entre psychologie sportive et docteur? Ben, c'est quoi la grosse... Ah, ben docteur en psychologie du sport, c'est que nous, on se spécialise dans la partie de la performance au niveau de la psychologie. Okay. Et spécifiquement dans le monde du sport, tandis que les gens qui sont psychologues font partie d'un ordre qui est l'ordre des psychologues et très souvent, mais ben, plusieurs d'entre eux vont faire de la psychologie clinique, qui okay. est vraiment une branche différente de ce que nous on fait. C'est pour ça que nous, on n'a pas le titre de psychologue, mais bien de docteur en psychologie du sport. OK. Et vous, évidemment, vous adressez beaucoup aux athlètes, vous avez une préparation en vue des Jeux Olympiques et ainsi de suite. Donc, c'est ça que vous faites, effectivement. Là, vous venez de lancer un livre aux éditions Le Monde Différent. Moi, c'est une édition Le Monde Différent. C'est une édition que je connais bien. C'est des livres de pensée positive. C'est votre 10e livre, donc La puissance de nos différences. De quoi qu'on parle dans ce livre-là? Ben, la première chose, effectivement, c'est le 10e livre que j'écris avec eux. Dans La puissance de nos différences, je vais vous ramener un peu sur ma formation en tant que telle. Lorsque j'ai décidé d'étudier dans ce domaine-là, je suis allé le faire à l'Université à San Diego avec une dame qui s'appelait Dr. Christina Versary. Et elle, c'est une femme, c'est rare, elle était docteur en psychologie pour la NBA, le basketball aux États-Unis. Et pendant 16 années d'affilée, elle a fait des tests de personnalité chez tous les joueurs. Et elle s'est rendue compte, à la fin de la 16e année, qu'à chaque année, toutes les équipes qui gagnaient des championnats étaient faites du plus grand nombre de joueurs de différents types de personnalités. Donc, elle s'est rendue compte que la puissance d'un groupe est directement proportionnelle avec la différence du nombre de personnalités qu'on va avoir dans un groupe. Donc, dans cette voie-là, moi, je vais souvent faire des conférences en entreprise et je me rends compte que souvent, on a de la difficulté à travailler avec quelqu'un différent de nous. Ouais. On dit « Ah, il n'est pas comme moi, il pense pas comme moi. » Et là, on a tendance à s'éloigner de cette personne-là ou à tout simplement ne pas bien s'entendre avec cette personne-là. Et pourtant, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut apprécier la différence de l'autre, ce qui devient un complément pour moi. Et là, on forme une équipe beaucoup plus puissante. C'est pour ça que ça s'appelle la puissance de nos différences, autant au niveau individuel qu'au niveau interpersonnel, de comment on est les uns avec les autres, mais aussi générationnel, puis les autres types de différences qu'on peut avoir dans un même groupe. C'est vrai ce que vous dites là. C'est vrai dans les équipes sportives, c'est vrai dans une entreprise également. C'est important de connaître le rôle de chacun dans une entreprise, hein? C'est extrêmement important de connaître chacun le rôle de chacun, de bien connaître ses forces et ses faiblesses, et de s'adjoindre des gens qui ont des forces différentes de mes faiblesses à moi. Et souvent, c'est dans cette appréciation-là de la différence de l'autre. Okay. C'est vrai pour des individus, mais c'est vrai aussi pour les différents sexes, l'orientation sexuelle. Donc, que ce soit des hommes, des femmes, que ce soit des gens qui ont une orientation sexuelle différente, ça amène une richesse à l'intérieur d'un groupe, tout comme des gens de groupes d'âge différents, au niveau intergénérationnel. OK. Vous apportez également d'autres aspects dans ce livre-là également. Oui. Dans les aspects qu'on traite, il y a 6 aspects différents que j'ai voulu traiter. Le premier, c'est de la différence des personnalités, donc qui je suis comme personnalité. Donc, le deuxième, c'était celle au niveau générationnel. Que dans un groupe, on a des gens de groupes d'âge différents. C'est tellement vrai. Surtout aujourd'hui, hein? Et aujourd'hui, mais oui. Avec les X et les millenniums qu'on appelle. Là. Exactement. Vous avez tellement raison. Et ces gens-là, souvent, on a tendance à... Bon, ben OK, mais c'est comme ça parce que lui, il est vieux puis il pense de même. Ouais. Lui, il est plus jeune. Mais en fait, c'est la même chose que pour des individus. Dans la différence de leur façon de penser, se cache la puissance de cette association-là ensemble. Donc, plus on a des gens de groupes d'âge différents, plus on, notre groupe il est puissant parce qu'on amène des possibilités différentes à la table. T'sais, on s'entend que je respecte la différence de l'autre. OK. Les autres aspects? Les autres aspects, il y a celui individuel, celui au niveau générationnel, celui au niveau sexuel, donc des hommes, des femmes et de la façon dont je vais orienter ma sexualité. Ensuite, la partie culte, du cultuel. Donc, le culte, c'est la partie de la croyance, les religions, tout ça. Ça, c'est quelque chose que je dis qu'on doit traiter à l'extérieur. C'est quelque chose de personnel parce que c'est pas basé sur des faits, mais sur des croyances. Donc ça devient quelque chose qui est personnel, que chaque personne doit faire de façon individuelle. Ensuite, c'est culturel. Ça, c'est intéressant. Le parti culturel, c'est qu'on vient d'endroits différents. On amène une culture différente. Et ça, c'est extrêmement enrichissant pour un groupe lorsqu'on a plusieurs types de cultures qui se mixent les unes avec les autres. Comme une dernière, les Européens, les Américains, exactement. Les Russes, les Canadiens, c'est pas pareil. Ça arrive souvent d'ailleurs que les Russes tiennent avec les Russes et les Québécois avec les Québécois et ainsi de suite. Là. Ça, c'est un très bon point. Et c'est pour ça que c'est important que dans une équipe de hockey, on ait la même mission, la même vision, mais que peu importe d'où on vient, qu'on vise toutes la même chose. C'est là que ça devient puissant. Okay. Donc, c'est important d'apprécier la différence de chacun d'un autre. Et malheureusement, moi, dans une équipe de hockey, c'est sûr que c'est plus facile parce que souvent, ils parlent la même langue, donc ils vont avoir tendance à se tenir ensemble. Mais c'est important que chacun connaisse les gens de d'autres cultures pour justement être capable de faire cette belle mixture-là ensemble. Et le dernier, j'ai appelé ça la puissance de la partie où ce que je dis, c'est la différence universelle. Différence et universelle, si on prend les deux mots, on sait que c'est deux mots qui sont pratiquement opposés. Universelle qui veut dire d'emblée tout, et lorsque je dis la puissance individuelle, c'est quelque chose qui est unique. Et ça voulait dire justement que c'est la puissance de la différence universelle, c'est qu'en bout de ligne, on s'en fait beaucoup pour rien, parce qu'on est tous pareils. Et c'est la partie qu'on regarde au niveau de l'ADN d'un être humain. C'est l'anxiété que vous parlez, là, autrement dit. Là. Exactement. Mon ADN à moi, votre ADN à vous, ce qu'on est profondément, on est pratiquement tous identiques. Donc, on s'en fait pour des différences qui, au fond, sont beaucoup plus des choses qui sont semblables que différentes. Okay. Donc, on est pratiquement tous identique ou presque. Donc, c'est aux éditions Le Monde Différent. Je ne sais pas si c'est arrivé ici à la librairie centrale du secteur de Lebeau, en région. C'est sorti depuis, je pense, la semaine passée, hein? Ça a sorti à la fin de la semaine passée, donc probablement vous les avez déjà. En région, on les a peut-être pas en région, donc on va surveiller ça après. Monsieur Guimond, puisque je vous en ai, vous êtes un docteur de psychologie sportive, il y a le COVID actuellement, il y a beaucoup d'athlètes sportifs qui sont sur pause, il y a des joueurs qui attendent le repêchage, surtout les jeunes joueurs de hockey junior et ainsi de suite. Est-ce que vous avez à intervenir beaucoup pour aller? Parce que moi je me pose la question parce que tu sais, je regarde la NCAA aux États-Unis, on n'était pas sur l'heure de la saison, puis là il y a eu de la pression faite parce que les joueurs sont éligibles au repêchage. J'imagine que ça peut être la même affaire. Il doit y avoir du découragement un petit peu des athlètes aussi, non? Ben oui, c'est drôle que vous me parliez de ça. Je viens justement de parler à plusieurs des équipes de la Ligue junior majeure. On vient de faire un zoom, là. J'ai terminé l'appel à 1h05, puis j'étais avec vous immédiatement. Donc, j'en fais beaucoup. Et oui, il y a une crise, hein? On la vit tous, cette crise-là du COVID. Mais on est tous dans le même bateau, puis il faut se dire que en japonais, le mot crise, il se traduit en deux symboles. Le premier, c'est le symbole danger, puis le deuxième, c'est le symbole d'opportunité. Donc, dans cette crise-là, il y a une opportunité de travailler justement sur les facteurs mentaux de l'athlète. Il y a souvent, ils n'ont pas le temps de faire ça. Puis c'est aussi d'être conscient de ses pensées, de comment je me sens, pour pas qu'on tombe dans de l'anxiété, tombe dans de la dépression, puis qu'on a des idées noires. Donc, c'est vraiment important de demander de l'aide si on en sent le besoin. C'est important aussi de garder un aspect positif parce que c'est facile d'être heureux quand ça va bien. Ce qui est difficile, c'est d'être heureux même quand ça va mal. C'est ça qu'on enseigne à des jeunes dans l'adversité. Puis effectivement, c'est un peu injuste qu'ils vivent là parce que tous ces jeunes-là ont rêvé longtemps d'être dans le junior majeur ou NCAA, puis d'avoir accès éventuellement à être repêché. Puis là, ils se sentent que c'est injuste. Mais en fait, c'est injuste pour tout le monde. Donc, tout le monde est sur les mêmes conditions en ce moment. Puis ceux qui vont s'en sortir le mieux sont ceux qui sont capables de rester mentalement connectés, de rester dans leur rêve, puis de savoir que ce virus-là, il est là pour un certain temps, mais ça ne sera pas pour tout le temps. Est-ce que, dans l'ensemble, les jeunes se sont montrés réceptifs? Oui, beaucoup. C'est un peu la... Je pense qu'on a des technologies aujourd'hui qui nous permettent d'entrer en contact avec les gens. Moi, je me suis rendu compte que lorsque je rencontrais des gens en personne, souvent, ils me parlaient pas. Ils étaient gênés d'en parler. Autant avec quand j'étais avec le Canadien de Montréal pendant 4 ans, j'étais dans le même vestiaire avec les joueurs, j'étais avec eux, puis personne ne me parlait. Ils sortaient dans leur voiture, puis ils me textaient. Mais par texto, aucun problème. Ils me faisaient me parler, puis là... Mais c'est comme ça, en personne, c'est un peu plus difficile. Mais là, en ce moment, la technologie nous permet de faire ça. Puis de se brancher quand même, via Zoom, via d'autres plateformes, via FaceTime. Fait que ça permet de rester branché. Puis je pense que je crois qu'on a moins de préjugés pour des gens qui vont demander de l'aide maintenant. Je pense que c'est rendu fortement accepté. Puis tantôt, on a parlé de la différence entre la psychologie sportive et la psychologie en général, ceux qui font de la psychologie clinique, donc des psychologues. Là, en ce moment, il y a beaucoup de demandes pour voir des psychologues, puis c'est un peu difficile. Mais ça en vaut vraiment la peine. Puis ça, je le recommande. Moi, je dis toujours, tout le monde devrait avoir son propre psychologue pour l'aider. Mais si vous avez la chance, c'est une bonne chose. Ils sont là pour aider les gens dans des périodes difficiles, mais ils peuvent aussi vous donner une bonne piste de solution à certains problèmes qu'on a. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire affaire à ces gens-là, puis aller voir sur l'Ordre des psychologues du Québec, puis de voir dans votre région qui pourrait peut-être vous aider. Je le recommande fortement à tout le monde. Est-ce que, dernière question, est-ce que les athlètes olympiques, parce que demain, je vais faire une entrevue avec Dominique Gauthier, qui est un ancien athlète olympique. Oui. Il dit qu'il va nous dire que les athlètes olympiques ne peuvent pas s'entraîner comme ils veulent à cause du COVID. Est-ce que ça, vous en avez aussi de ces gens-là actuellement, est-ce que vous les traitez? Aussi? Parce que oui, Dominique. S'en vient, puis il va en avoir, là, d'ailleurs, là, des Jeux olympiques. Oui. Dominique a tellement raison. Dominique, c'est quelqu'un qui est tellement connaissant dans ce domaine-là, vous le saluerez de ma part, c'est un bon ami, mais je suis totalement d'accord avec lui. En ce moment, c'est difficile à cause de cette pandémie-là. Par contre, il faut se dire que c'est pratiquement la même chose un peu partout. Il y a des pays, effectivement, qu'eux continuent leurs activités. Ici, c'est pas le cas partout. Fait que c'est sûr que ça devient un peu plus difficile. Moi, je pense juste à mon fils qui, en ce moment, joue au hockey professionnel. Il joue en Suède. Donc, il joue dans une équipe en Suède où, à part d'avoir moins de spectateurs dans les estrades, ils sont en train de connaître une saison plus ou moins normale, mais un peu plus près de la réalité de ce que nous, on peut vivre ici. Oui, effectivement. Ben, M. Guimond, très intéressant. Au plaisir de se parler. Donc, on rappelle que ce livre est actuellement en vente à la librairie centrale de Sacré-Cœur. Au plaisir de se parler, puis on va un autre tantôt. OK, merci. Ça fait plaisir de vous parler. Sylvain Guimond.